Nous allons passer à la période de questions. À ce que je peux voir, nous en avons beaucoup sur différents sujets. La première serait, pourrions-nous élaborer plus sur l'exorcisme du bien? Bon, l'exorcisme du bien. Bon, c'est la première fois, évidemment, qu'on parle sur la planète de l'exorcisme du bien. D'ailleurs, ça m'a surpris tout à l'heure quand j'en ai parlé. Non, c'est un fait, je fais des conférences parce que j'apprends en parlant. Je me trouve intéressant. L'exorcisme du bien. Ben oui, j'entends des personnes qui trouvent ça intéressant, de se trouver intéressant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, la seule personne qui peut vous enseigner convenablement, ça va être vous autres. Puis si vous refusez continuellement et perpétuellement de vous trouver intéressant, ben jamais vous allez vouloir vous écouter. Puis si vous voulez pas vous écouter parler, ben évidemment, vous allez passer à côté de la manière, la forme de qu'on peut arriver à la plus grande des instructions. Je ne dis pas que vous devez vous écouter penser. Je ne m'écoute pas penser. Lorsque je pense, je suis extrêmement ennuyant. Lorsque l'on parle, on est capable d'écouter ce que l'on dit. Écoutant ce que l'on dit, on peut auto-corriger au fur et à mesure. Ça devient extrêmement intéressant. On parle de l'exercice du mal et je sors l'exercice du bien. Parce que, n'est-ce pas, le contact avec l'énergie supramentale ajuste les choses et fait que quand on parle, on dit des choses. Exercice du bien, ben je me rends compte en le disant que ça a de l'allure en maudit. Puis là, je vérifie par rapport à ce que j'ai déjà vécu. À ces médecins qui exorcisent les personnes, qui leur donnent des médicaments pour les rendre normaux, ceux qui sont trop vite, ben c'est effectivement un exorcisme du bien. Et par la suite, on va vérifier avec les maîtres, avec certains prêtres, avec certaines personnes qui, à un moment donné, sont en train d'avancer, et on vient vouloir les guérir. On veut les ramener à la normalité. Comment exorciser le bien chez l'humain? C'est de lui dire qu'il devrait cesser de se poser des questions. On exorcise déjà le bien. C'est comme de dire à un enfant, t'es ben trop curieux. Non, non, on devrait intelligenter sa curiosité, pas l'empêcher de l'être. C'est comme de dire à une personne qu'elle n'est pas normale. Bien souvent, lorsque l'on dit à quelqu'un qui est pas normal, c'est quand la personne essaye d'être elle. Alors, on exorcise le bien. On veut faire en sorte que le bien chez la personne soit exorcisé pour être remplacé par quelque chose de plus bas, en vibration. Tous les phénomènes religieux, tous les phénomènes sectaires, tous les phénomènes moraux, tous les phénomènes nationaux, sont des exorcismes du bien et sont des exorcismes du mal. Et il faut comprendre qu'effectivement, ce qui va être le plus grand piège chez la personne transitive, ce sera les exorcistes du bien. Ceux qui deviendront exorciseurs du bien. Lorsqu'un être humain finit par dire que ça n'a pas d'importance de manger de la crème glacée pour déjeuner ou du steak, lorsque tu sens que ton corps a besoin de viande pour déjeuner, tu manges la viande, puis qu'un autre va dire, ben voyons donc, ça se fait pas ça, on mange des céréales le matin, ben non, du pain avec des œufs. Ça, le gars, la fille qui dit ça, est un exorcisme du bien. Celui qui, à un moment donné, décide de changer sa vie pour améliorer des choses, ben toute la famille vient l'exorciser. Alors, on exorcise le bien chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant. Le plus grand frein dans la transition de l'homme nouveau vers l'homme transitif vers l'homme nouveau, ce sont les exorcismes du bien. L'homme nouveau sera un exorciste, ça va de soi, parce qu'il aura la fonction et le privilège et la possibilité d'exorciser les choses plus involutives chez certains humains, non pas chez tous les humains, seulement chez ceux qui sont déjà en train de le faire et qui, de toute façon, vont y parvenir, alors l'homme nouveau peut donner un coup de pied ou un coup de pouce. Chez la personne qui n'est pas en train de faire cet exorcisme, cet auto-exorcisme, ben, l'homme nouveau peut le faire, mais l'homme nouveau ne le fera pas. Pour la simple raison que l'humain reste libre d'être sur son chemin de conscientisation et d'avancer selon ce qu'il peut avancer. Lorsque l'être humain arrive à s'auto-exorciser, il devra affronter les exorciseurs du bien. Et c'est évident. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il y a toujours des imbéciles qui viennent vous dire que vous réussirez pas. Et ça, les exorcistes là, du bien. Je vais suivre un régime. Le 15e. C'est ça, un exorcisme du bien. On veut ôter ce qui vous motive pour vous dire que vous devriez être normal. Si on vous connaît. Mémoriellement, tu rates ton coup. Fait que s'il vous plaît, réussis pas ce coup-là. Faudrait que je m'adapte à toi. Je préfère pas avoir à m'adapter. Continue à être gros. continue à faire des choses, puis change pas. La personne qui un jour décide de suivre un cours de yoga pour se relaxer, une personne hyper nerveuse, ben on va tenter de l'exorciser. On va lui dire que ça changera rien. On va lui dire qu'elle va faire ses mouvements vite, vite, vite. Elle va même énerver les autres dans la classe. Puis on va l'exorciser, le bien qu'il y a chez elle. Vous comprenez ce que je veux dire par exercice du bien? C'est facile à voir. C'est là. L'être humain doit faire attention à ce genre de choses. Vous pensez que c'est correct? Faites-le. Vous saurez, après l'avoir fait, si c'était correct ou non. Faites attention aux exorcismes du bien. Pour créer, est-ce que Dieu n'est pas ou n'était pas possédé? Puis une autre question qui pourrait aller bien, est-ce que Dieu peut être possédé? C'est ça le problème de la majorité des théologies. Faut que vous me compreniez bien. Faut faire attention à certains mots. Dieu, c'est pour le chien, le maître. Le chien considère comme Dieu son maître. Alors, le chien parle de Dieu, mais il parle du bonhomme ou de la bonne femme. L'homme parle de Dieu comme étant une peinture, comme étant un crucifix, comme étant une idole, comme étant une icône, comme étant une idée, un concept. Certains humains vont dire Dieu, ça veut dire tout ce qui a créé tout. Peut-être. Mais si je te dis que ton Dieu qui a créé tout est un Dieu de merde, ça fait quoi chez toi? Si ça te frustre, c'est que le Dieu que tu pries, le Dieu avec lequel tu vibres, n'est pas le Dieu que tu me parles. Parce que si ça ne frustre pas lui, ça ne fait pas te frustrer toi. Ne vous sentez pas frustré au nom de Dieu. Ben, souffrez pas pour Dieu. Il souffre pas, le pauvre type va souffrir à sa place. Sauf que si vous souffrez au nom de Dieu, c'est que ce Dieu souffre et vous manipulant, exprime sa souffrance par l'homme. Et ce Dieu fait partie d'un des dieux créés par l'homme dans un des paliers du ciel. Si vous voulez appeler Dieu l'énergie supramentale, vous ne pouvez pas être vexé, être quoi que ce soit pour cette énergie. Elle est plus intelligente que ça, elle est au-delà de ça, elle n'en a pas besoin et elle ne l'exprime pas. Et elle ne demande pas à l'homme de l'exprimer. Est-ce qu'un Dieu peut être possédé? Pour créer, est-ce que Dieu n'est pas ou n'était pas possédé? On parle de deux dieux différents ici. On parle d'un dieu créateur et intentionnel, et on parle d'un dieu. Lorsque 100 000 fidèles ou 1 million de fidèles adorent un dieu dans le ciel, parce que les dieux dans le ciel peuvent être possédés, par de l'intelligence comme par de l'aberrance. Alors, lorsque ce dieu envoie l'humain à la paix et à tout ce que vous voudrez, lorsqu'un jour ce Dieu est possédé, ben possédant ce Dieu, on possède le peuple, on possède la tribu, on possède les fidèles. Alors effectivement, les dieux, présentement l'être humain qui prie des dieux, prie ses dieux dans le monde de la mort, dans le monde de la mémoire, ses dieux connus du passé, ses dieux dans le monde du ciel. Et lorsqu'il prie ses dieux dans le ciel, il prie des dieux qui sont assujettis à la possession. Lorsqu'un Dieu est possédé, lorsque Mahomet devient possédé, il envoie ses troupes conquérir le monde. Lorsque le Dieu chrétien était possédé, il a envoyé les croisés se battre pour libérer le tombeau du Christ en Terre Sainte. Lorsque l'islam devient possédé, il envoie ses fidèles mourir sur les champs de bataille pour tuer les impies. Lorsque les dieux sont possédés, ils envoient les peuples entiers se battre dans des guerres de religion. J'ai dit que s'il y a une prochaine apocalypse, une prochaine guerre, elle sera politique, elle sera économique, elle sera surtout religieuse. Parce que les dieux ont tendance à être possédés. Et possédant l'homme, les possessions de ces dieux possèdent les hommes. Certaines personnes qui me disent que non, parce que le Dieu ne peut pas être possédé. Alors, posez-vous juste la question, pourquoi n'a-t-il pas pu empêcher Lucifer de faire ce qu'il a fait? Dans le contexte du Dieu qui ne peut pas être possédé. Pourquoi y a-t-il le mal sur la planète? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que ces dieux ne peuvent pas intervenir. Parce qu'au-delà de ces dieux, il y a ce qui a créé ces dieux, l'intelligence supramentale, que certains appellent Dieu, mais que je n'appelle pas Dieu. Parce que les dieux sont sujets à être priés, les dieux ont besoin d'être aimés, les dieux ont besoin de puissance, de pouvoir. Les dieux ont des hiérarchies qui obéissent à eux. Les dieux ont un trône. Alors, lorsque l'on parle d'un Dieu qui n'a pas besoin de trône, lorsque l'on parle d'un Dieu qui aime l'humain, même celui qui n'aime pas, lorsque l'on parle d'un Dieu qui n'a pas besoin que l'être humain devienne un esclave, lorsque l'on parle d'un Dieu qui ne demande pas à l'humain de souffrir pour l'aimer, lorsque l'on parle d'un Dieu qui ne demande pas à l'homme de lui remettre ce que lui-même lui a donné, alors j'appelle cela de l'intelligence. C'est un peu comme le fidèle qui, à un moment donné, va offrir une brebis à son Dieu, ou va offrir une chandelle, ou veut offrir sa vie. Or, le Dieu lui dit, pauvre type, voyons donc, je suis le créateur de tout. Si j'aurais voulu un agneau, je m'en serais fait un. Offre-moi pas le tien. Alors, ce que j'appelle l'intelligence, certains appellent cela Dieu. Mais je ne souffre pas d'être en contact avec cette intelligence. Et cette intelligence ne me demande pas d'être missionné, de sauver l'humanité. Elle s'en occupe. Pas besoin de moi. Moi, je parle parce que j'apprends, je parle parce que j'ai instruit l'astral, je fais des choses. J'ai une fonction, comme tous, vous avez des fonctions. Vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'être fonctionnel. Les dieux créés dans le monde de la mort, c'est des dieux qui peuvent être possédés lorsque l'être humain est assujetti à un dieu et que ce dieu est possédé, l'être humain est possédé. L'Allemagne parlait de paix. On a plusieurs personnes qui ont écrit des choses extraordinaires en Allemagne. Génial. Mais ils se vouaient à un dieu qui fut un jour possédé. Parle-nous des personnes possédées d'une façon pluralitaire et qui le restent dans le sens qui se fusionnent pour faire place à une entité prédominante. T'as pêché ça où? Il y a des personnes qui, j'espère que cette personne qui écrit ça sait qu'elle est intelligente et qu'elle est un jeteur de pensée, parce que si elle ne le sait pas, elle devrait se plugger. Elle saurait. Parle-nous des personnes possédées d'une façon pluralitaire. On parle donc des peuples, on parle des familles, on parle des nations, on parle des partis politiques, on parle des groupes. On parle de personnes qui sont possédées, qui sont vouées à un maître, à un gourou, à un dieu, à un quelque chose, et ce quelque chose est possédé. Donc, ça fait, disons, référence avec la question précédente. La personne possédée pluralitairement, c'est une personne de gens qui se voue à une chose, et cette chose est sous l'emprise d'une possession, qui peut être évolutive et qui peut être involutive. Mais même si c'est évolutif, sachez qu'un jour, ça vous gardera là où ça vous aura amené. Et à ce moment donné, ça deviendra involutif. Alors l'humain va dire, oui, ben quand ce sera le temps, je m'en libérerai. Plus on attend avant de se libérer d'une possession, plus c'est compliqué de s'en libérer. On peut travailler avec ce qui possède l'homme. Avec les forces collectives, avec les forces astrales, avec les forces supérieures ou sataniques. On peut travailler avec ce qui possède l'homme, avec la peur, la pensée, les mémoires, les traumatismes du passé, les limitations, la gêne, l'angoisse. On peut travailler avec les choses qui possèdent l'homme. Mais on doit travailler en étant conscient que l'on travaille avec, et on doit travailler en étant conscient que nous faisons les choses qui sont écologiques d'être faites. Si c'est Satan qui vient me dire quoi faire, puis ça a de l'allure, moi le faire. Si c'est Dieu, puis ça a de l'allure, moi le faire. Si c'est Satan, puis ça n'a pas d'allure, je le ferai pas. Puis si c'est Dieu, puis ça n'a pas d'allure, je le ferai pas plus. Vous allez frustrer la conscience collective, mais vous ne frustrez pas de l'intelligence en faisant comme ça. Vous risquez plutôt de plaire à l'intelligence. Les personnes possédées d'une façon pluralitaire et qui le restent, donc ceux qui, à un moment donné, meurent au nom de leur possession, dans le sens qu'ils se fusionnent pour faire place à une entité prédominante, lorsque ces personnes meurent, évidemment, elles vont nourrir le monde de la mort, ils vont nourrir ces dieux possessifs, et ils vont simplement énergiser ces possessions de façon à ce que ces possessions quémandent et demandent de plus en plus de morts à l'échelle du sol. On a présentement certains phénomènes de terrorisme mondial. J'ai déjà expliqué l'intelligence du terrorisme international, mais l'on sait que ces personnes, pour être sauvées, leur Dieu leur demande de mourir sur un champ de bataille en tuant les infidèles. Donc, tout ce peuple est voué à mourir parce que la seule façon de s'en sortir est de mourir. Jusqu'au jour où un onde de choc catastrophique viendra briser ce Dieu et libérera les hommes. Lorsqu'à un moment donné, on avait un Dieu qui s'appelait Tradition, et qui demandait aux jeunes Japonais de mourir, de donner leur vie, de mourir dans un champ de bataille pour pouvoir atteindre ce lieu où vivait ce dieu. Alors les kamikazes, les jeunes, parce qu'à un moment donné, les vieux, il n'y en avait plus suffisamment, on leur montrait à décoller avec un avion, à faire voler un avion, à piquer avec un avion, et c'est tout. Le reste n'était pas nécessaire. Normalement, ils mouraient quand la bombe qui remplissait le nez de l'avion frappait un bateau. Mais à un moment donné, les Japonais ont eu l'initiation majeure. L'Empire du Soleil Levant a vu le soleil se lever sur Hiroshima et sur Nagasaki, ce qui a créé un stress majeur dans la tradition divinisée de ce pays. Et ils ont su que le soleil ne les protégeait pas, mais les tuait. À partir de ce moment donné, ils ont refusé toute religion solaire. Et évidemment, ils ne veulent pas et ils n'auront jamais de bombe nucléaire chez eux. Parce qu'une bombe nucléaire, pour une personne spirituellement attachée au soleil, lorsque ça saute, c'est le soleil qui se lève. Et ce soleil qui les protégeait, les a tués. Alors donc, cette manipulation collective, on en a un exemple là. On peut l'avoir dans les jeunes d'aujourd'hui, dans les jeunes qui ont des idoles, dans les jeunes qui sont suffisamment collectivisés. Et lorsqu'ils meurent ensemble dans le monde de la mort, selon des processus qu'on a déjà élaborés dans des conférences sur la mort, sur la réincarnation et ces choses-là, ben, ça va nourrir ce ciel. Et ce ciel risque de demander fortement de plus en plus de mortalité humaine, ce qui engendre des phénomènes religieux, des guerres saintes, comme on a présentement au niveau de certaines parties de l'islam, et qui demande de plus en plus de morts parmi les infidèles comme parmi les fidèles. Et à un moment donné, ben évidemment, il y a quelque chose de majeur qui vient briser, qui vient détruire ce Dieu dans le ciel. Lors de tes conférences, n'es-tu pas possédé par le savoir? Avec tout ce qui nous entoure, comment en venir à prendre conscience de l'auto-exorcisme? C'est évident que je suis possédé par le savoir. Ça va de soi. La seule différence qu'il y a, c'est que je suis aussi le savoir quand je suis possédé par le savoir. Et c'est ça la nuance entre la possession de l'intelligence et les possessions avérées. Cela veut dire que je parle, et par là, j'instruis mon ego. Il en reste plus gros, mais on l'instruit encore un peu. Par là, on peut en même temps voir la résonance de ce que l'on dit, ce qui permet à l'instantanéité qui habite l'homme, même si souvent l'humain ne le sait pas, l'instantanéité qui habite l'homme peut autogérer ce qui est dit, ce qui me permet, même si je suis possédé par de l'intelligence, de toujours vérifier si à un moment donné l'intelligence ne deviendra pas quelque chose de con. Puis si un jour ça arrive, on va y botter le cul. Bon. Si ça arrive pas, ben continue à me taper dedans, puis ça marche. On apprend. Avec tout ce qui nous entoure, comment en venir à prendre conscience de l'auto-exorcisme? La semaine prochaine, on parle de culpabilité. Il faudra commencer par démolir la culpabilité pour comprendre cette chose. On va la démolir comment? Par certains mécanismes qui peuvent permettre l'instruction de l'ego pour faire en sorte que la partie qui se culpabilise chez l'ego puisse être mise à mort. Ça ne doit pas vivre dans l'humanité, la culpabilité. Ça pouvait vivre, c'était brillant, intelligent. Pas chez la personne transitive, puis pas au Québec. L'intelligence va remplacer la culpabilité. Vous savez comment s'appellent les trois premières lettres de culpabilité? Ça devrait vous donner quelques petites suggestions. L'auto-exorcisme, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, on l'a vu. Pour arriver à l'auto-exorcisme, comment faire pour différencier? Parlez! Vous devrez apprendre à parler. À parler toutes les conneries que vous avez à parler. Et vous écoutant parler, vous saurez que c'est con. Puis à un moment donné, dans ce qui est con, vous découvrirez que c'est pas con. Parce que l'homme n'est pas con. L'homme est intelligent. Sauf que l'être humain étant assujetti à croire que ce qu'il pense et que ce qu'il fait, c'est lui. Dans le similaire, je dis souvent aux personnes, vous pensez que vous êtes con? Elle me répond oui. Parce que certaines choses que vous avez faites sont connes, elle répond oui. Alors je lui demande, si vous savez que c'est con, c'est peut-être parce que vous êtes pas con. Alors évidemment, elle découvre que peut-être c'est vrai. Si vous êtes capable de savoir que certaines choses que vous faites sont stupides, c'est que vous n'êtes pas stupide. Et c'est la preuve, encore une fois, que l'être humain est manipulé. Alors, l'auto-exorcisme, parlez. Vous pensez, parlez. Le monde va penser que vous êtes fou. Parlez tout seul. Ben oui, les forces manipulatrices de l'homme vont tout faire pour manipuler autrui de façon à ce qu'on vient de vous dire que vous n'êtes pas normal. Fait que devenant normal, vous allez penser dans votre tête. Si vous n'aurez pas de solution, vous ne pourrez pas vous auto-exorciser. Alors, vous allez dire, oui, mais moi, je parle de l'enregistreuse, après ça, je m'écoute. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Vous devez apprendre à avoir une instantanéité d'observation, pas observer les mémoires de ce que vous avez dit, être capable de parler et de vous écouter. Ça demande une isométrisation cérébrale, ça demande certaines techniques que vous pourrez découvrir tout seul, technique qu'on enseigne au niveau du PMC aussi, Ça demande de l'isométrisation cérébrale, ça demande suffisamment d'attention pour avoir une partie de votre cerveau qui va être capable de légiférer sur votre parole et une autre partie qui va être capable de légiférer sur votre audition, de façon à vous permettre d'être deux chez vous, qui sort, qui à un moment donné devient de l'énergie intelligente. Alors ne la pensant pas, vous ne la bloquez pas, ce qui fait que vous allez parler un peu plus rapidement, mais vous allez aussi apprendre à articuler pour pouvoir vous permettre de comprendre ce que vous bavassez à une vitesse folle. Et à un moment donné, vous allez être capable d'écouter ce que vous dites. Vous allez être capable d'observer. L'observation instantanée, c'est de l'auto-exorcisme. On ne peut pas vous posséder parce que vous vous possédez. Lorsque l'homme est son seul maître, ben évidemment, on le maîtrise plus. L'intelligence sort, vous observez. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est pas ça. Mais vous continuez à expliquer sur ce que c'est pas ça, puis vous savez pourquoi, puis vous continuez à apprendre. L'auto-exercice, je le dis là. Bon. Vous arriverez un jour à le faire de toute façon, que vous le vouliez ou non. De plus en plus, l'être humain veut parler, il veut plus écouter les autres. C'est bien. Il n'y a plus d'écoute, tant mieux. Parce que si on arrête d'écouter les opinions d'autrui, on risque à un moment donné de pouvoir se faire la nôtre. Mais étant donné que l'autre parle pour qu'on l'écoute et qu'il s'écoute pas lui-même, ben quand il n'y aura plus personne pour l'écouter, il ira chercher le seul auditeur possible, lui. Alors il parlera, puis il fera comme moi, il s'écoutera parler. Là, au moins, il se trouvera intéressant, puis là, au moins, il pourra commencer à apprendre des choses que lui a besoin de savoir pour que d'autres vont lui amener. Présentement, j'ai fait des conférences pour la simple raison que, énergétiquement, il y a des choses qui sont communiquées beaucoup plus qu'au niveau de la parole. Et deuxièmement, il y a encore beaucoup d'individus qui ont besoin, par l'écoute de ce que je vais dire, vont rechercher suffisamment de motivation ou d'énergie pour arriver à se prendre en main. Alors, il est convenable, intelligent, de continuer à écouter un peu autrui, jusqu'au jour où on n'en aura plus besoin. Moi, je suis encore capable d'écouter autrui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'intelligence va s'exprimer dans une biologie différente que dans la mienne. Alors, ça devient intéressant de parler entre deux individus. Moi, je parle et l'autre m'écoute. Mais l'autre me boit. Il m'écoute puis il me boit. Et moi, en parlant, je m'écoute. Puis à un moment donné, j'ai dit des choses, puis juste quand je me rends compte que certaines choses pourraient être mieux dites, l'autre qui m'a bu commence à le dire. Alors, c'est moi qui le bois. Je l'écoute pas, je le vois. Et lui, il s'écoute. Alors, on commence avec un truc ben banal, puis au bout d'une demi-heure, on est deux hyper génies en train de jaser. Est-ce que tout le monde peut faire? Prenons l'exemple d'Albert Einstein. Ben, s'il rencontre des cons, il trouve rien. Il rencontre des génies, il trouve de quoi? Il rencontre des gens qui sont capables de lui dire, « Oui, mais tu sais, le temps, c'est immuable. » Pouf! Le temps, c'est immuable. C'est peut-être ça. Le temps n'est pas immuable. Ben, l'autre comprend plus rien. Parce que l'autre se fie à ses mémoires, puis l'autre, il fouille des livres qu'il vit dans le passé. C'est neuf qui vient de dire, il trouvera rien de passé. Si l'autre continuera à parler, immuable le temps. Ben, il continue, il parle. À un moment donné, ça, ouais, c'est intéressant. Alors, c'est le phénomène, on s'auto-exercice comment? On apprend à parler et on apprend à s'écouter. À s'écouter parler, pas à s'écouter penser. Je le dis là, vous pourrez travailler sur ce genre de choses. On en parle suffisamment dans le travail que l'on fait ici. Mais c'est l'auto-exorcisme de l'homme. Parlez. Dites des bêtises, puis écoutez-vous les dire. Vous n'en direz pas longtemps. Mais écoutez-vous penser, puis écoutez-vous vivre l'émotion en dedans. Vous allez en dire un paquet, vous ne le saurez même pas. Vos paroles ont dépassé votre pensée. C'est faux. Vos paroles ont dépassé votre pensée avant que votre pensée devienne manipulée, devienne en colère, puis commence à vomir par la parole ce que vous disiez. Mais si vous observez ce que vous dites, réglé. Vous éduquez quelqu'un, observez quand vous y parlez, et vous rendre compte que, ben, les affaires ont changé. Là, vous allez dire, oui, mais, ce que j'aimerais dire, c'est pas conventionnel, c'est, ben non, c'est normal, ça vient de toi, ça peut pas venir des autres. Donc, ce sera naturel, mais pas normal. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Il est temps que quelqu'un le botte les fesses. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils penseront ce qu'ils vont être manipulés à penser. Mais c'est pas une raison pour vous empêcher d'évoluer. Oui, mais ça va les faire souffrir. Faites-vous-en pas. Il suffit juste d'une femme d'électricité pour qu'il souffre tout seul. Il suffit que le Canadien perde pour qu'il souffre. Alors, ils n'ont pas besoin de vous autres pour souffrir. Alors, si vous vous dites, oui, mais ils vont souffrir si, quoi que vous fassiez, l'humain à côté souffre parce que c'est son plan de vie pour l'instant de souffrir, parce qu'il est manipulé et il est convaincu que c'est lui qui fait les choses. On sait pas parce que vous allez m'en donner mettre un petit grain de sel de souffrance, une petite pinotte, que ça va l'envoyer au suicide. Si le suicide, la manipulation astrale, la possession chez vous, vous pourrez bien comprendre que c'est votre faute. Et si vous avez appris à plus vous sentir coupable, ben on va aller voir quelqu'un d'autre pour lui dire que c'est sa faute. Comme on vous laisse en paix. Manipulé par l'astral ou par l'esprit, où se situe le libre arbitre? Ben, le libre arbitre, il n'y en a pas. Bon. J'ai fait des conférences sur se libérer de la liberté, des choses comme ça, où on en parle suffisamment. Le libre arbitre chez l'homme, il n'y en a pas. Le libre arbitre fait partie, on va en parler la semaine prochaine de pourquoi il n'y a pas de libre arbitre. Ça a un rapport avec la culpabilité, c'est essentiel. Alors la semaine prochaine, on va revenir là-dessus, ça va être un peu trop long d'en parler dans cette période-ci, mais on revient sur ce phénomène du libre arbitre la semaine prochaine. Manipuler l'astral ou manipuler par l'esprit. Comprenez ces choses. C'est simple. À un moment donné, vous allez rencontrer l'ours de Granby. Ça va approcher d'un gros rhinocéros blanc, hein? Il n'en suit un dernièrement. Bon. Puis là, vous allez tenir le barreau comme ça, puis là, lui, il va aligner sa corde en face de vos doigts, là. Là, il va méditer. Manipulé par les forces astrales, il tient à exprimer qu'il est puissant. Alors, il va gratter du pied au sol, il va baisser sa tête, il va la remonter, il va souffler. Ça, c'est pour vous laisser le temps de vous en aller. Bon, il est manipulé par une force astrale très basse, comme certains humains le sont, comme le gorille va l'être, il va se taper dessus, comme le taureau, etc. Comme le chien. Ben, le chien attaque pas direct, sauf s'il a été humainement instruit à l'attaque. Mais un chien normal, un chien naturel, attaque pas directement. Il bave, il grogne, il monte ses crocs. Bon. Et il vous laisse le temps de le manipuler. L'être humain étant plus puissant. Alors, vous gardez votre main là, puis vous faites foncer dessus par la corne du rhinocéros. Ça renverse, ça peut renverser des jeeps et des petits camions, alors évidemment, votre main va être renversée. D'ailleurs, vous aussi. Psychologiquement. Alors, on va dire, oui, mais intelligemment, j'ôterais ma main. Eh oui, c'est intelligent. C'est intelligent, si tu le vois, c'est qu'intelligence te le montre. Ou la mémoire expérientielle, une mémoire d'expérience, qui, à un moment donné, par l'intelligence, te l'a induite. Alors, tu vas dire, je veux pas être manipulé par l'intelligence, donc je la laisse là. Mais si je la laisse là, c'est con. Donc, c'est une manipulation astrale. Donc, je l'ose. Mais si je l'ose, c'est intelligent. Alors, où il est le libre arbitre? Posez-vous pas la question, ôtez votre main. Fin. Vous allez vous dire, si ça sera pas intelligent, je l'inventerai. C'est ça, être manipulé par l'intelligence. C'est simple. Très simple. Quand la solution intelligente apparaît devant vos yeux et que vous êtes intelligent, ben, vous vous posez pas la question, vous le faites. C'est pas le choix. Parce que vous êtes intelligent. Et lorsque l'être humain est manipulé par les forces obscures de l'astral, les forces occultantes, les forces qui aberrissent l'homme, les forces qui le rendent aveugle, les forces qui lui donnent l'illusion du libre arbitre, étant aberré par de l'absurdité, alors évidemment, il fait les choses absurdes. Et de temps en temps, l'intelligence arrive à passer, et il fait un truc intelligent, et immédiatement, ce qui le manipule vient lui dire, hey, c'est grâce à moi que tu l'as fait. Alors, l'être humain continue à penser que, quand je dis c'est grâce à moi, c'est l'ego qui parle, alors l'être humain continue à penser que c'est grâce à lui qui l'a fait. Quand je dis des choses neuves, je me dis pas que c'est génial, hey, j'ai trouvé ça. J'ai pas trouvé ça, ça passait par là. Puis je l'ai dit, j'ai pas trouvé ça. Je suis physicien et je travaille à la mise au point d'une technique d'analyse du corps humain. Une personne touche une sonde qui émet des fréquences. On peut ainsi identifier et évaluer la quantité des minéraux, hormones, etc. Quel principe physique me permet d'identifier et de mesurer? Est-ce que cette technique de mesurer peut modifier, perturber le fonctionnement de l'organisme? Bon, c'est intéressant. La personne doit continuer à faire le travail qu'elle fait là, mais elle doit prendre un théorème nouveau. Le meilleur appareil qu'on aura un jour sur la planète pour connaître l'univers, ce sera l'homme. À un moment donné, l'homme arrive à pouvoir détecter chez lui comme chez autrui ce que les appareils détectent. À un moment donné, l'homme arrive à prendre une pomme et il arrive à pouvoir connaître la constitution physique exacte de cette pomme, chimique ou atomique, et il en prendra une autre, et il saura laquelle qui va être le mieux pour lui. Et il saura de toute façon, consciemment mais intelligemment, disons d'instinct, mais l'instinct, fais attention, ce qu'il a besoin comme aliment, comme nutriment. On peut ainsi identifier et évaluer la quantité des minéraux, hormones, etc. Chez la personne lorsque la sonde détecte les fréquences émises par l'individu. Je réponds quand même un peu brièvement, la personne elle pourra venir me voir peut-être ce soir, je ne reste pas, j'ai un séminaire demain. En tout cas, à un moment donné, on pourra en jaser. Chaque minéraux, chaque hormone, chaque molécule atomique émet un onde de forme, c'est-à-dire qu'elle émet une perturbation spatio-temporelle qui va être traduite dans le temps et l'espace par un déplacement, ce qu'on appelle une vibration. Lorsque le corps est constitué de différentes choses, un appareil qui a la particularité d'être capable de vibrer selon une forme mémorielle particulière, on va dire une vibration particulière, parce que la vibration n'est pas de l'énergie, même si elle peut en cheminer, elle n'en est pas elle-même. Donc cet appareil, son appareil, sa sonde, doit être arrangé électroniquement pour pouvoir vibrer selon certaines formes de fréquences, donc être capable de vibrer selon une détection mémorielle d'une vibration, et elle va enregistrer nécessairement ce qui cause la vibration, et cette vibration atomique qui... La quantité de matière minérale, hormonale, etc. que possède le corps. Alors, quel principe physique me permet d'identifier et de mesurer? Ça va être comme ça. C'est intéressant parce que de plus en plus l'électronique arrive à le faire. Est-ce que cette technique de mesure peut modifier et perturber le fonctionnement de l'organisme? Ça ne peut pas le perturber, sauf évidemment si la sonde n'est pas quelque chose qui émet une onde qui, par la suite, traduit dans le corps physique et revient vers l'humain, comme une onde radar, une onde sonore. Comme les champs électromagnétiques, ben c'est une aberration, évidemment, médicale. Alors, lorsque si la personne n'émet pas une onde qui revient, elle ne perturbe en rien le phénomène de l'organisme. Et si elle ne fait que détecter, il n'y a pas de problème. Quel rôle joue la pensée de l'homme dans sa sexualité? La pensée de l'homme n'a-t-elle pas saboté l'instinct sexuel plutôt que de la laisser muter? Quelle est la nature de la fonction de la sexualité chez l'homme nouveau? Bon, la dernière partie de la question, j'ai déjà fait une conférence intitulée « La sexualité de l'homme nouveau ». Je crois qu'on pourra y faire référence si on veut avoir beaucoup de renseignements. Quel rôle joue la pensée de l'homme sur la sexualité? La sexualité de l'être humain est apparue lorsque le temps pour le corps physique, d'un temps luciférien, un temps, disons, on parle de la création de l'homme et de la femme dans la Bible, on en a donc vers cette époque, où l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, qui est une forme expressive de l'énergie vitale, qui gère la structure génétique dans les nucléoles de nos cellules, des noyaux cellulaires, qui va gérer les liens qui vont permettre à différentes protéines, à différents sucres, de créer une chaîne, la chaîne d'ADN, que certains connaissent bien. Et lorsque cette énergie vitale a dû, à un moment donné, créer un cortex cérébral, une intelligence, un cerveau associatif, et un centre laryngé pour permettre la parole. Le centre laryngé, c'est un phénomène d'énergie vitale qui permet la coordination des muscles respiratoires, des muscles de la gorge, de la langue, des joues, de la bouche et des cordes vocales pour permettre la phonation. Hein? On pense que c'est les cordes vocales qui nous font parler. Ouais, mais il faut aussi que tu respires en fonction. Il faut que ta langue, tes joues se promènent, etc., etc. Lorsque cette énergie a monté vers ce niveau pour créer ce cerveau et ce centre laryngé, l'être humain qui était hermaphrodite, donc, a commencé à manquer d'énergie vitale. L'énergie vitale a été scindée en deux. Il est devenu sexuel. Deux êtres humains devaient s'accoupler pour fonder un enfant. Créer un enfant, engendrer. Alors, le rôle de la pensée de l'homme, bien évidemment, la pensée a commencé à pouvoir jouir de ce cortex. Donc, la pensée a pu de plus en plus jouir de ce phénomène d'énergie vitale qui montait là. Et c'est pourquoi, très rapidement, la pensée a pensé que le tantrisme pouvait être une solution vers l'amélioration évolutive de l'homme. L'être humain manipulé par les forces astrales, c'est évident que si l'énergie sexuelle grimpe et marche librement chez l'homme, donc si l'être humain n'a pas trop de perturbations sexuelles, s'il n'a pas trop de relations sexuelles, par exemple, relations avec lui-même chez l'homme et chez la femme, comme avec d'autres personnes, hein, parce que la masturbation, c'est une relation sexuelle. Alors, si l'homme n'a pas trop de relations sexuelles, ben évidemment, son cerveau pourra se développer un peu plus, son centre laryngé aussi. Donc, il y a intérêt intelligent à ce que l'être humain n'ait pas trop de relations sexuelles. Premièrement, il devrait engendrer, lorsqu'il a cellularisé son évolution, lorsqu'énergétiquement, ce qu'il a acquis a muté les gènes cellulaires pour que ses enfants puissent bénéficier de son évolution, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui n'a jamais été le cas dans l'Antiquité. Et l'être humain doit conserver suffisamment d'énergie sexuelle pour pouvoir continuer son évolution améliorative. Mais étant manipulé par les forces astrales, il est manipulé dans la sexualité au coton. De cette façon, ben, il avance un peu plus lentement. Qu'est-ce que ça donne? Regardez ceci. Relations sexuelles fréquentes, ça engendre quoi? Ça engendre que l'humain monte, pareil, mais le cerveau n'étant pas prêt à recevoir cette énergie qui descend chez l'homme, le cerveau se sent en stress, on doit donc terrestrifier l'humain, le baisser en vibration. Ça va être le rôle de la cigarette, ça va être le rôle de différentes boissons, ça va être le rôle de plusieurs choses. L'alcool et la cigarette terrestrifient l'humain, c'est-à-dire que le rabaisse en vibration un peu. La viande fait la même chose. Et c'est pourquoi l'être qui a le plus évolué sur la planète a dû manger beaucoup de viande. Les peuples esclaves sont des peuples végétariens. Les peuples qui dominent, les peuples qui sont les plus avancés sur tous les plans, les points de vue d'évolution de l'homme, sont des peuples carnivores. Et d'ici peu, l'homme nouveau qui n'aura plus besoin de cette viande redeviendra végétarien, mais là, ça sera le temps. Quelle est la nature de la fonction de la sexualité chez l'homme nouveau? Donc, faire référence à la conférence peut-être sur la sexualité de l'homme nouveau, et on verra que la sexualité chez l'homme nouveau se fait sur... En fait, c'est bien différent de ce que l'on connaît présentement. C'est sûr que pour avoir un enfant, ça va être pas mal pareil. L'homme nouveau n'a pas d'émotion ni de pensée, si je comprends bien. Il n'est qu'un canal utilisé par l'énergie supramentale pour s'exprimer. Est-ce que le rôle de l'homme est de devenir un canal? L'homme est déjà un canal qui laisse passer de l'énergie astrale, de l'énergie mémorielle, l'énergie du passé. Le rôle de l'homme, ce n'est pas d'être un canal. La partie terrestre de l'homme, la partie terrestrifiée, celle que vous connaissez, elle a pour fonction d'être un canal pour vous-même, que vous ne connaissez pas dans le point de vue terrestre, pour votre esprit, pour vous-même, ou du point de vue de l'intelligence. Alors, présentement, on bâtit une cheminée, un canal matériel, vital, astral et mental, qui pourra permettre, à un moment donné, au créateur de ce canal, à l'homme, mais à l'homme extraterrestre, ce que l'homme planétaire appelle souvent l'esprit, de pouvoir venir s'asseoir là-dessus, rester à son point de vue et pouvoir bénéficier du point de vue des autres plans. Donc, ce n'est pas le rôle de l'homme de devenir un canal, mais c'est le rôle de l'être humain de devenir un canal pour l'homme. Il n'est qu'un canal utilisé par l'énergie supramentale pour s'exprimer, donc l'homme nouveau n'a pas d'émotion ni de pensée. Il n'a pas besoin de penser, parce que tout ce qu'il a besoin de savoir, il le sait lorsque c'est nécessaire, donc il n'a pas besoin de penser. Hein? Lorsque vous arrivez sur une jonction de route, puis là, vous pensez laquelle des deux vous allez prendre, vous pensez, vous fouillez dans vos mémoires, et vu que vous n'avez jamais passé là, et votre pensée vous sert à rien. Pas intelligent. Lorsque vous êtes intelligent, ben, vous arrivez, puis vous tournez, vous continuez, puis vous savez où vous allez. Vous savez, vous ne connaissez pas le chemin, mais vous savez le chemin. Vous savez où vous allez. Ce qui est autre chose. L'être nouveau, l'homme nouveau n'a pas d'émotion. C'est un fait. Parce que l'émotion, c'est de la mémoire de sentiments. L'émotion, c'est de la mémoire morte. L'émotion, c'est de la mort de sentiments. L'homme nouveau vibre. Il a des sentiments. Alors, il peut entrer en amour intelligent, en amour avec une fleur, comme aucun homme ancien ne peut le faire. L'homme ancien aura de l'émotion pour la fleur. L'homme ancien broyera si la fleur meurt. L'homme ancien la tuera, la met dans un bocal pour l'observer. L'homme ancien sera capable d'aimer quelqu'un par une photo. Il a de l'émotion. Et évidemment, il souffrira de cette émotion. Il peut la muter en haine, mais de toute façon, il la souffrira en jalousie, il la souffrira en inquiétude, il la souffrira en angoisse, il la souffrira de toute façon. Tandis que l'homme nouveau, lui, n'a pas besoin de prendre le sentiment que l'homme ancien connaît et de le conserver en mémoire au cas que ça reviendrait plus et d'en faire une émotion. C'est ça, l'émotion chez l'homme. Alors, on a parlé beaucoup de l'amour intelligent en conférence. On va y revenir, mais on l'a fait souvent. Évidemment, c'est enregistré. Alors, l'être nouveau n'a pas d'émotion, mais il a un sentiment. Un sentiment, ça lui permet d'entrer en résonance instantanée avec l'extérieur. Que ce soit un clochard hyper véreux avec de la lèpre dessus, il ne pourra pas faire autrement que de l'aimer autant que le plus bel être humain avec la plus belle lumière. Il ne pourra pas aimer l'un plus que l'autre, parce que de toute façon, il vit d'un amour qui n'est pas sélectif, un amour intelligent, l'amour réel, et il n'a pas besoin d'émotion parce qu'il est en sentiment, en contact sentiment permanent. Donc, il n'a pas besoin de vivre de l'émotion. Il n'a pas besoin de penser, non, parce que la pensée ne sert à rien. La pensée, c'est pour renflouer le manque d'intelligence. La pensée permet à l'homme, lorsque l'on parle d'intelligence dans nos sociétés, on parle d'intellectuance. La pensée permet de combler les lacunes lorsque l'être humain n'a pas de contact avec l'intelligence. Ben, une chance qu'il mémorise le dernier contact, comme ça, vu qu'il n'y a plus de contact, ben, il fouille là-dedans pour trouver quelque chose, puis il l'applique. Sauf que s'il est en contact permanent, ben, évidemment, il n'y aura plus de pensée. Le médecin n'a pas besoin d'apprendre à faire de la médecine, il fait ce qui doit être fait. Et l'être humain n'a plus besoin d'apprendre. Mais ça, c'est évidemment, avant de faire comprendre ça, notre système scolaire, c'est autre chose. Mais les enfants sont de plus en plus nouveaux et les enfants sont de plus en plus capables de savoir ce qu'ils ont besoin de savoir. L'enfant qui va être capable de forcer l'école, de faire l'école buissonnière, aujourd'hui il n'y a plus de buisson à l'école asphalte, l'enfant qui va être le plus capable donc de faire cette école, sans jamais se faire pincer, sera sans doute l'un des chefs de partis politiques plus tard. Ça sera sans doute un homme d'affaires, une femme d'affaires. Étant donné que c'est quelqu'un qui a su jouer avec la vie et arriver à faire ce qu'il voulait dans la vie, malgré la vie, c'est officiel qu'il va être sans doute plus efficace que beaucoup de personnes qui auront suivi les cours, qui auront broyé toute leur vie à vouloir s'en échapper, qui auront toujours appris des choses qu'ils ne voulaient pas apprendre et qui seront convertis à faire des jobs qu'ils n'aimeront pas. La semaine passée, tu as parlé du Nazaréen qui avait enlevé le karma de Marie-Madeleine. Est-ce que ce genre d'exorcisme peut se faire encore? Et si oui, toi, le peux-tu? Ça me regarde. Et ces choses-là peuvent se faire encore et se reproduiront aussi. Quels sont les critères qui montrent qu'une personne est prête pour l'anégoïsation? Lorsqu'elle ne pose pas ce genre de questions. Quand tu réalises que des pensées te viennent à l'esprit sans que tu les demandes, qu'est-ce qui se passe? Et faut-il réagir ou seulement comprendre, Serge? Alors, prochainement, Serge, tu vas sans doute apprendre ce que c'est qu'un quiaille mental et ça va te permettre de faire certaines choses. Lorsque les pensées viennent à l'esprit de l'homme, il faut que l'homme change. Si la pensée qui vient à l'esprit de l'homme est une pensée qui permet à l'homme de dormir, une pensée, un rêve que l'on cristallise pour pouvoir s'en aller, une pensée qui instruit, c'est pas trop pire. Sinon, Serge, tu vas simplement devoir changer ta vibration corporelle. Ce que tout à l'heure notre physicien détecte, faudra que tu la changes. La changer comment? Si tu changes ta vibration, tu attires autre chose. Changeant ta vibration corporelle, tu te plugues à de nouvelles formes de pensée. Alors, les systèmes les plus faciles, c'est prendre une douche d'eau chaude ou une douche d'eau froide, manger du beurre de peanut ou une banane, boire un verre d'eau, boire une bouteille de bière, fumer une cigarette, parler, s'engueuler. Souvent, l'être humain le fait. Alors, il devra simplement s'arranger. Le corps physique est extrêmement important. Tout ce qui va changer la constitution immédiate atomique du corps physique change la vibration. C'est sûr que l'être humain qui, par exemple, mangerait deux sandwichs aux tomates, il devra les digérer, et ça ne change rien, il a les mêmes phénomènes de pensée, c'est que la vibration apportée par le pain et les tomates n'est pas suffisamment puissante pour réellement altérer. L'être humain doit changer par quelque chose qui est radical. La douche d'eau froide, c'est absolument parfait, et il y a plusieurs choses dans ce genre. Un film, par exemple, va induire une vibration différente, et souvent l'humain va penser à d'autres choses après. Peut-être au film, peut-être à d'autres choses. Et souvent, on aura la sexualité qui change la vibration du corps par la relation sexuelle. Alors, bien souvent, on va passer des problèmes psychologiques, des problèmes de pensée par la relation sexuelle ou la masturbation. Évidemment, la drogue change la consonance vibratoire du corps, change aussi la pensée. Ce sont des choses qui détruisent en même temps le corps. Alors, ce n'est pas par ce chemin qu'on doit fonctionner, mais on doit simplement comprendre que changeant la constitution moléculaire du corps, on change automatiquement la pensée. Donc, il suffit de trouver quelque chose qui entre en résonance avec notre corps, assez qu'à un moment donné, l'humain trouvera... Ça peut être bon pendant un laps de temps, mais on doit savoir qu'on doit changer les choses. Une manière, une technique qui va lui permettre de changer sa pensée à volonté, de s'en aller vers une pensée qu'il aime plus. Certaines personnes qui ont des mauvaises pensées vont regarder une photo, vont penser à quelqu'un, un maître ou même quelqu'un qu'ils aiment. Ça change la pensée. Alors, on t'a trouvé quelque chose pour changer la pensée? Je vis avec une personne alcoolique. Par rapport à moi, elle est satanique. En vivant le phénomène, puis-je évoluer et comment? Bon, la personne par rapport à toi, elle est satanique. Toi, par rapport à elle, tu es yavique. Ça va de soi. Comment, en vivant le phénomène, puis-je évoluer et comment? Oui. Simplement en observant. En observant la mécanicité qui permet à l'humain alcoolique d'être manipulé. Parce que l'humain qui est alcoolique est manipulé par des forces relativement basses qui peuvent être spirituelles comme qui peuvent être sataniques. La personne peut parler avec. Elle doit apprendre aussi à voir de quelle façon on se sert de l'alcoolique pour la manipuler, de façon à ce qu'elle ne poursuive pas son chemin. Un individu pourrait dire, oui, mais si je m'en vais, ça solutionne tout. Si tu es prêt à t'en aller, ça solutionne tout. Et bien souvent, tous les problèmes que tu as avec elle, en t'en allant, tu les auras avec d'autres choses. Donc, tant qu'elle est à apprendre ailleurs, autant rester avec. Alors, la personne peut s'observer et observer de quelle façon toutes ces choses-là la forcent encore à être manipulée. L'un des axiomes du PMC, c'est que l'homme doit être son seul maître. Être son seul maître, ça ne veut pas dire vivre en plein désert. Ça veut dire être capable d'être dans n'importe quelle situation événementielle, dans n'importe quel événement, et d'être son seul maître. Alors l'alcoolique vient vous vomir sur les souliers, ça ne vaut pas la peine d'être en colère. Ça ne vaut pas la peine d'être quoi que ce soit. Ça vaut la peine d'essuyer les souliers. Ça vaut la peine d'ôter peut-être les pieds. Ça vaut la peine de travailler avec l'alcoolique, mais ça ne vaut pas la peine d'exprimer des émotions que l'être humain appelle normales, comme la colère, comme l'écœurement, comme etc. C'est une perte d'énergie. Alors, l'humain doit observer, et lorsqu'à un moment donné, ce qui arrive avec l'alcoolique ne le touche plus, il pourra se passer n'importe quoi sur la planète, lui ne le vivra pas. Pourquoi? Parce qu'il est son seul maître. Alors là, il pourra décider d'exorciser l'alcoolique, il pourra décider de s'en aller et laisser l'alcoolique aller initier d'autres personnes, il décidera des choses, mais il sera en contact avec de l'intelligence instantanée. L'initiation par le couple est l'initiation la plus solaire présentement sur la planète, c'est la plus tough. Mais c'est l'initiation qui permet à l'humain qui veut avancer vite, d'avancer vite. Sauf que tant que l'humain ne voit pas ce qui se passe, tant que l'humain se prend au sérieux, tant que l'humain pense qu'il n'a pas mérité ça, peut-être qu'il a raison, il n'est pas prêt. Mais qu'il ne recherche pas quelque chose de mieux ailleurs. Dans le film L'Emprise, la femme se fait violer par un démon. Est-ce que ça pourrait être possible dans une vibration très basse? Est-ce qu'un démon peut attaquer? Peux-tu expliquer? Ce qu'il faut comprendre, c'est que elle ne se fait pas violer, ben oui. Enfin, oui puis non. C'est qu'elle s'auto-viole. Bon. Certaines femmes voudraient évidemment rencontrer ce démon. Mais ce qui arrive simplement, c'est que la manipulation astrale qui vient posséder l'âme de l'individu, l'âme, c'est un endroit géospatial qui est paramétré par de l'énergie vitale, le périsprit, le séraphin, l'enveloppe séraphique de la théologie, dans lequel va voler les mémoires volatiles, la consistance, disons, de l'âme, et dans lequel se retrouve l'identification suprême, l'ego. Lorsqu'une possession dans la mémoire volatile fait en sorte, parce que l'âme s'exprime par le système endocrinien, par l'hypothalamus, entre autres, par le système endocrinien chez l'homme, un peu par le système exocrinien, lorsque le système endocrinien n'arrive pas, ne suffit plus. Et lorsque l'âme s'exprime, il va sécréter une panoplie d'hormones qui vont induire et engendrer dans le corps de la personne des réactions qui seront reconnues par l'ego. Étant reconnues par l'ego, l'ego saura ce qui se passe. Lorsqu'une personne a peur, elle sécrète des catécholamines, elle sécrète différentes formes d'hormones, cérébrales et surrénales, et même un peu cardiaques, qui vont, par lecture de l'âme dans le corps physique, lui dire « Tiens, le corps a peur, mais le corps a peur parce que l'âme a peur. » Donc, l'âme, sachant que le corps a peur parce qu'elle a peur, il saura qu'elle a peur. Lorsque une possession fait en sorte que certaines formes d'hormones sont libérées dans le corps physique, l'ego saura qu'il vit une relation sexuelle. Alors, pour l'ego, qui est possédé un peu, il pourra en déduire qu'il est en train de se faire violer. Il n'y a pas nécessairement de viol biologique, sauf que lors d'une relation sexuelle, ben, la femme comme l'homme ont sécrète une série d'hormones particulières à la relation sexuelle qui prépare la psychologie, donc qui informe la psychologie de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer. Sinon, la psychologie n'aurait même pas de relation, ça ne saurait même pas qu'elle en fait une, n'est-ce pas? Bon, on n'en fait pas quand on dort. Bon. Alors donc, ça informe la psychologie. Il y a toute une suite de sécrétions hormonales qui sont toute la série complète pour arriver à une apothéose vitale, ce qu'on appelle l'extase. Alors, la personne qui se fait violer par une possession, elle est simplement induite et à un moment donné, ben les hormones qui sont normalement sécrétées dans un contact inconscient, donc par cette relation sexuelle, vont être sécrétées chez la femme. Donc, évidemment, la femme vit tout à fait la relation sexuelle, ce qu'elle pourra donc dire dans ces termes qu'elle est possédée par un démon et qu'elle se fait violer par sa possession. Mais elle n'aura pas d'enfant. C'est très rare, du moins. Que signifient Jean et Michel Archange qui ne font qu'un dans les prophéties de Jean 23 et pourquoi le Nazaréen était l'ajusteur de pensée des 12 apôtres? Bon, Jean 23 est un pape. Est un pape qui, l'un des rares papes d'ailleurs, qui a amené des prophéties, c'est-à-dire qui a su transmettre dans la coloration parabolique de l'intelligence supramentale. L'un des rares. L'archange est un nom intéressant. L'archange, c'est une phénoménologie évolutive qui n'a pas rapport au monde de la mort, donc qui ne provient pas du ciel. L'archange est un phénomène qui n'est pas tout à fait melchisédien, c'est-à-dire qui n'a pas nécessairement, qui ne fait pas référence à Melchisédek, les catalyseurs d'évolution qui ont aidé Moïse, qui ont aidé d'autres personnages sur le plan terrestre. Et les archanges sont une coloration, disons, un nom théologique, pour désigner une personnification hautement énergétique de l'énergie supramentale qui parvient jusqu'à l'être humain par le biais physique de certains gaz rares et qui peuvent finir par induire dans les hommes certaines connaissances supramentales qui vont normalement être communiquées mais qui ne pourront pas transformer l'humain. Une intelligence melchisédienne sert de catalyseur d'évolution, donc elle ne sert pas nécessairement à communiquer les choses, elle transforme l'humain avec qui elle a un contact. L'intelligence archangélique, c'est-à-dire l'intelligence qui n'est pas tout à fait melchisédienne, lui ne transformera pas nécessairement l'humain avec qui il va entrer en contact, mais permettra à l'humain de communiquer de l'information. L'archange est donc souvent appelé messager, tandis que le melchisédek va être appelé catalyseur. Enfin, ils sont pas appelés comme ça, ils le savent pas, mais c'est un catalyseur d'évolution. L'archange, ils savent que c'est un messager, c'est déjà ça. Jean et Michel Archange sont le même phénomène, pour la simple raison que selon la consistance spirituelle de celui qui entrera en contact avec l'archange, il le verra selon une tradition jeunique et ou une tradition, disons, michélique, dépendant des peuples, dépendant des races, dépendant des égrégores, par laquelle cet archange, cet informateur, va pénétrer. Pourquoi le Nazaréen était l'ajusteur de pensée des 12 apôtres? Pour la simple raison que les 12 apôtres n'avaient pas de consistance biologique suffisamment avancée au niveau génétique pour pouvoir entrer en contact avec leur propre esprit. Donc, ils ne pouvaient pas ajuster leur pensée, ils avaient trop d'orgueil. Le Nazaréen, lui, avait la faculté vibratoire de permettre un ajustement de pensée à ses apôtres, à ses 12 principaux. Il en avait 13, dont Lazare était le 13e, mais Lazare, on n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce que c'était le préféré du Nazaréen. C'est d'ailleurs Lazare qui a permis de finaliser l'initiation du Nazaréen, et le Nazaréen a permis à Lazare, évidemment, d'expérimenter le monde de la mort sans mourir, donc d'avoir un double éthérique et de se fusionner avec. Les 12 apôtres ne pouvaient pas s'ajuster eux-mêmes parce que l'ajusteur de pensée n'était pas présent à l'échelle de la planète. Le premier à être venu est celui du Nazaréen. D'ailleurs, il l'a gobé, c'est-à-dire qu'il s'est fusionné avec rapidement. Et par la suite, il a ajusté la pensée des apôtres. Présentement, vous avez tous un ajusteur de pensée, sauf que vous n'avez pas de contact conscient avec. C'est ce qui, à un moment donné, par l'initiation, se révèle. On finit par avoir un contact, on finit par prendre conscience que l'ajusteur opère chez soi. Or, donc, le Nazaréen, à l'époque, devait ajuster les apôtres. Les apôtres, ayant trop d'orgueil, ils ne pouvaient faire de discernement entre les forces astrales et les forces supramentales. L'esprit. Est-ce que le fait d'être superstitieux implique que nous sommes possédés? Ça va de soi. Maintenant, il faut faire attention. Possédés, on va pas voir le prêtre ou on se tape pas la tête sur les murs. Mais si on s'attaque, on est possédé dans le maudit. Le fait d'être possédé, c'est simplement de ne pas être autonome dans sa propre intelligence. Le fait d'être superstitieux, cela veut dire qu'on a peur, qu'on le veuille ou non, de quelque chose. Même si on dirait, oui, mais c'est con. Toutes les fois que faut que je ferme les rideaux le soir quand je me couche, parce que j'ai l'impression que... Je l'ai déjà parlé, demandé, il y a des personnes qui mettent pas le cul en dehors de leur lit, parce que... Bon, effectivement, ce sont des possessions. Les phobies sont des possessions, etc. Elle est possédée. Et si elle observe ces choses, et si elle en parle pour elle, ben, à un moment donné, quand je dis en parler pour vous, je ne veux pas dire de par le biais de l'ajusteur psychologique, l'intellect, faire référence à ce que l'on vit. Oh, c'est con d'avoir peur. Je devrais pas avoir peur. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. J'ai peur. J'ai peur qu'une chose atroce arrive. Écoutez ce que vous dites. Parce que si vous écoutez pas, vous allez vous auto-énergiser dans votre peur. Et si vous écoutez, elle va s'en aller. Alors, on ne s'intellectualise pas notre phénomène. On parle dessus. On chemine avec la chose qui nous possède. On chemine avec, on ne la fuit pas. Cheminant avec, on va arriver à la comprendre, à la cerner, et elle va disparaître. Elle va disparaître jusqu'à la prochaine fois. L'être humain doit rester vivant, parce que les forces d'involution, même si elles sont mémorielles, cheminent sur la vie. Donc, on ne gagne jamais pour l'éternité. On gagne. Et lorsqu'on en est vivant, là, on peut dire qu'éternellement, on gagne, mais on n'a pas gagné pour l'éternité. Quand Jésus a exorcisé l'homme qui s'appelait Légion, et qu'il a envoyé les esprits qui le possédaient dans des cochons... L'homme ne s'appelait pas Légion. L'entité possessive s'appelait Légion. J'en ai parlé un peu dernièrement, juste avant la finalité de ta question, pour qu'on comprenne le phénomène. L'entité possessive vient perturber la forme amique de l'homme, perturbant de par le fait même l'expression hormonale et minérale et digestive, donc ce qui va être assimilé dans le corps, ce qui fait que le Nazaréen, par sa sensibilité, le sentiment qu'il avait, il a su détecter l'onde de forme de la chose qui possédait l'homme, et j'ai déjà parlé que lorsqu'il la percevait, il pouvait arriver à mettre un mot là-dessus. Le mot était le contenant endoformique de la possession. Trouvant le nom de la chose, Légion, automatiquement il avait la clé. Il pouvait dire à Légion ce qu'il voulait, et Légion n'avait pas le choix d'obéir. Je continue. Qui le possédait dans des cochons, qui sont venus comme fous, ils se sont jetés en bas de la falaise et se sont noyés dans la mer. Où sont allés ces esprits une fois les cochons morts? Une bonne question. Les cochons sont devenus fous, pourquoi? Parce que les cochons n'ont pas d'âme. Alors le Nazaréen a pris un âme, d'un âme extrêmement basse en vibration, Légion, et il a mis ça dans les cochons. Pourquoi dans des cochons? Parce que la structure moléculaire du cochon n'est pas suffisamment puissante pour supporter un âme complète, même si Légion est extrêmement bas. Donc, il a dû être supporté par plusieurs cochons. D'ailleurs, l'être humain est frère en esprit lorsqu'il a un faisceau d'esprit chez lui. Le corps de l'homme ne pouvant supporter un esprit, un faisceau espritique, il est pluralisé dans plusieurs individus. Dans le cochon, c'est le même phénomène. Les cochons sont devenus fous. Ça va de soi, un cochon avec un âme, ça devient fou. Bon. C'est surtout l'âme dans le cochon qui se demande qu'est-ce qu'il fait là. Le système endocrinien du cochon n'est pas le même que le sien. Le système cérébral non plus, il n'y a rien. Alors, il essaye de se gratter le nez, puis c'est la queue qui bouge, etc. Le cochon devient fou. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Nazaréen était génial. Prenant l'âme possessive, la partie, la nommant légion, il l'a paramétré d'un séraphin, le verbe. Donc, il l'a contenu. La contenant, il pouvait l'envoyer où il voulait. Ce séraphin, donc cette âme maintenant légion, qui possédait une âme avant parce qu'elle n'était pas âme, a été amifiée par le nom, légion. Ça ne peut pas mourir comme ça, ça va rester dans l'air. Si ça rentre dans un animal ou dans un humain, ben c'est plus intelligent dans un animal, ça va de soi. Donc dans le cochon, automatiquement il s'assujettit à l'onde vibratoire vitale de ce cochon. Si le cochon meurt, nécessairement le corps vital du cochon s'en va entourant le périsprit légion, le nom, et il va dans le plan moronciel. Du plan moronciel, il monte lentement vers le monde de la mort, étant donné qu'il y a maintenant une âme là-dedans. Et lorsque ça touche le monde de la mort, ça s'ouvre, et les entités légion pénètrent le monde de la mort pour être fusionnées aux entités basses du monde de la mort, des forces astrales, donc ce qu'on appelle le plan purgatoriel, et ça élimine, vu que ce n'est plus dans le plan moronciel, ça ne peut plus posséder personne. Et c'est pourquoi les cochons ont été manipulés. Gurdjieff disait que sans un maître, il n'y avait pas de possibilité pour l'homme de pouvoir monter d'une marche dans l'escalier de la connaissance et que celui qui montait devait mettre quelqu'un sur la marche qu'il laissait selon toi. Il était dans les patates? Non. Gurdjieff n'était pas dans les patates. D'ailleurs, je crois qu'il n'aimait même pas les patates. Gurdjieff fait référence évidemment à la tradition indo-européenne, à la tradition aryenne. L'humanité a toujours été confinée à suivre une personnalité génétiquement avancée. Hein? On a des torts humains à un moment donné, puis soudainement on a un génie. Dans une tribu ordinaire, soudainement on a un chef vaillant qui dynamise les Mongols. Hein? Il s'appelle peut-être Kubilai Khan ou Genghis Khan. Et puis il grimpe. Ou on aura un pseudo-italien du nom de Napoléon qui va dynamiser la France. Ou on aura... Voilà. Alors, de temps en temps, on a un être humain qui peut s'appeler Zarathustra, qui peut s'appeler Rama, qui peut s'appeler Odin, qui peut s'appeler etc. Et qui va être le maître suprême d'une race. Et il va la conduire. Depuis l'époque anté-arienne allée jusqu'à l'époque arienne, l'époque indo-européenne, la race arienne, c'est la race hindoue. Ce n'est pas la race allemande qui elle a été conduite par Zarathustra. Depuis tout le phénomène anté-arien jusqu'à l'époque arienne, l'époque indo-européenne, l'être humain ne pouvait pas entrer en contact avec de l'intelligence, donc il se devait de suivre l'antenne cosmique, l'antenne supramentale, l'ajusteur de pensée raciale pour pouvoir être conduit. Aujourd'hui, Gurdjieff, évidemment, ne dirait pas cela aujourd'hui. S'il le dirait, il serait manipulé par les forces d'involution. Gurdjieff a été l'un des pionniers dans différents domaines, un bonhomme hyper intéressant et drôlement utile. Et Gurdjieff, donc, expliquait ce phénomène de la race indo-arienne. Et aujourd'hui, cela va de soi, que tous ceux qui n'ont pas, ceux qui ont de l'ego, se devraient de suivre un maître. Un maître, vous s'entendez, un maître, se devrait de suivre des livres, des cours, des conférences, des messes, enfin des choses. Lorsque l'être humain devient suffisamment égoïsé avec une force mentale, alors il doit se prendre en main. Lorsque Gurdjieff parle de ceci, Gurdjieff fait référence donc toujours à l'évolution anté-arienne, aller jusqu'à l'évolution, disons, arienne, l'évolution indo-européenne, première sous-race de la race mère blanche. Lorsque Gurdjieff fait référence à ceci, il fait référence à un phénomène grégorien assez intéressant qui n'a pas de rapport avec l'homme nouveau. Gurdjieff avait besoin, comme toutes les personnes de l'époque, alors quand je dis il avait besoin, faut comprendre que c'était intelligent qu'il en ait besoin. N'ayant pas suffisamment d'énergie chez lui, il avait besoin de disciples, et les disciples le vénérant, transmettant de l'énergie non plus dans un égrégore du monde de la mort, mais dans l'égrégore propre du maître. Le maître avait donc la faculté de se servir de ses énergies pour pouvoir se booster, donc se survolter et monter de plein. Lorsqu'il montait de plein, il avait mécaniquement pas le choix que de forcer ses disciples à monter sur la marche où il était, de façon à ce que ceux-ci puissent le repousser sur la marche d'en haut. L'évolution était correcte. Sauf que Gurdjieff, comme les maîtres, dépendent toujours de l'énergisation de leurs fidèles, de leurs disciples. Et le disciple doit toujours dépendre du maître. Le disciple attend que le maître évolue et les disciples poussent le maître à évoluer. Lorsque le maître a évolué, ben alors il ramasse sa gang avec lui pour pouvoir continuer à évoluer. C'est intelligent. À un moment donné, le maître arrive à un point où l'énergie ne provient plus du bas, elle provient du haut. Alors il se rend compte qu'il n'a plus besoin des disciples. Alors le maître peut dire, je vais quand même continuer, pauvres autres. Et l'intelligence lui dit, non, pas pauvres autres. Ils ont bénéficié de ton ascension jusque-là, puis tu dis, pauvres autres. Non, à un moment donné, il y a un autre qui va prendre la place, et ils vont continuer, un par un, à pénétrer dans le monde de l'intelligence, où ils n'auront plus besoin du maître. Tu n'as plus besoin de dépendre d'autrui pour évoluer, et autrui ne dépend plus de toi. Donc, les erreurs que tu fais, autrui n'en souffrira pas, et les erreurs qu'autrui ferait, tu n'en souffres plus. Donc, Jeff évolue d'une façon géniale, et on en arrive à un point, à un moment donné, où l'humain doit passer à l'étape où il devra devenir son seul maître. Une dernière question. Quand allons-nous être dépossédés? Comment allons-nous nous en apercevoir? Est-ce que l'union ultime avec Dieu est une possession? Tu as déjà répondu un peu à la dernière, mais peut-être que les deux premières pourraient un peu faire le tour de notre sujet de ce soir. Comment allons-nous? Bon, quand allons-nous être dépossédés? On n'est pas dépossédé à jamais, mais on se dépossède éternellement. Lorsqu'on arrive à pouvoir parler, on devra évidemment commencer par attaquer la force maîtresse de la possession, la culpabilité. La semaine prochaine, démolir la culpabilité, démolir la possession. C'est un peu le même phénomène. Et on s'en aperçoit lorsqu'effectivement, on arrive à être dans son intelligence, lorsqu'on ne sent plus de culpabilité, lorsqu'on ne sent plus de stress, de peur, etc. Bref, lorsque l'être humain n'a plus d'émotion, il est carrément dépossédé. Il y aura du sentiment. Alors voilà, la semaine prochaine, démolir la culpabilité. Si ça vous intéresse, venez, on va s'amuser. Alors, remercions Daniel Kem ce soir de nous avoir bien entretenus. Bonne soirée. En plus de la conférence « Démolir la culpabilité »,